Bonjour, francophones. Welcome to Frenchipod, America. Et je m'appelle Amaury. Bonjour, tout le monde. This is an elementary lesson that we have for you today. Yep. We have a couple having their breakfast. Sitting at the table with their morning newspapers, talking about the world. Let's listen in on their conversation. And we have our keyword today. Okay, what is it? Le 8 août. Le 8 août. Oui. And that means August 8th. That's right. Can you say it again? Le 8 août. All right, here's the dialogue three times. Dialogue, première écoute. Tu as remarqué la date du début des Jeux Olympiques ? Oui, le 8 août 2008, donc le 8e jour du 8e mois de l'année 2008. Et tu sais à quelle heure ils vont commencer ? Je parie que c'est à 8 heures. Eh oui, le chiffre 8 est un chiffre porte-bonheur en Chine. Les Chinois sont très superstitieux. Dialogue, deuxième écoute. Tu as remarqué la date du début des Jeux Olympiques ? Oui, le 8 août 2008, donc le 8e jour du 8e mois de l'année 2008. Et tu sais à quelle heure ils vont commencer ? Je parie que c'est à 8 heures. Eh oui, le chiffre 8 est un chiffre porte-bonheur en Chine. Les Chinois sont très superstitieux. Dialogue, troisième écoute. Tu as remarqué la date du début des Jeux Olympiques ? Oui. Le 8 août 2008, donc le 8e jour du 8e mois de l'année 2008. Et tu sais à quelle heure ils vont commencer ? Je parie que c'est à 8 heures. Eh oui, le chiffre 8 est un chiffre porte-bonheur en Chine. Les Chinois sont très superstitieux. Here is the translation. Tu as remarqué la date du début des Jeux Olympiques. Did you notice the date of the beginning of the Olympic Games? Tu as remarqué la date du début des Jeux Olympiques? Did you notice the date that the Olympics start? Tu as remarqué la date du début des Jeux Olympiques? Oui, le 8 août 2008. Donc, le 8e jour du 8e mois de l'année 2008. Yes. August 8th, 2008. So, the 8th day of the 8th month of the year 2008. That's what it is. Oui, le 8 août 2008. Donc, le 8e jour du 8e mois de l'année 2008. Yeah, August 8th, 2008. So, the 8th day of the 8th month of the year 2008. Oui, le 8 août 2008. Donc le 8e jour du 8e mois de l'année 2008. Et tu sais à quelle heure ils vont commencer ? And you know at what time they're going to start ? Et tu sais à quelle heure ils vont commencer ? And do you know what time they're going to start ? Et tu sais à quelle heure ils vont commencer ? Je parie que c'est à 8 heures. I bet that it's at 8 o'clock. Je parie que c'est à 8 heures. I bet that it's at 8 o'clock. Je parie que c'est à 8 heures. Et oui, le chiffre 8 est un chiffre porte-bonheur en Chine. Yep, the number 8 is a lucky number in China. Et oui, le chiffre 8 est un chiffre porte-bonheur en Chine. Yep, the number 8 is a lucky number in China. Et oui, le chiffre 8 est un chiffre porte-bonheur en Chine. Les Chinois sont très superstitieux. The Chinese are very superstitious. Les Chinois sont très superstitieux. The Chinese are very superstitious. Les Chinois sont très superstitieux. So we had a couple sitting around the morning table with their coffee. Obviously, the guy's one of those guys that when he reads the morning newspaper, he has to tell the person at the table everything he's reading. Il a remarqué something. What did he say? Tu as remarqué la date du début des Jeux Olympiques. Remarqué. How you say in French to notice? It's what we call false friends. Yeah. Because it doesn't mean remark like you would probably expect it to. It means something a little bit different, to notice. That's right. What did he notice? La date. La date of what? Du début. La date du début of what? Des Jeux Olympiques. The Olympic Games, right? But in French, you have to use the word je when you're talking about the Olympics. Les Jeux Olympiques is the Olympic Games. But when you say the Olympics, we say les Jeux, the Games. Les Olympiques doesn't mean anything. Okay, so can you say the whole phrase now? Tu as remarqué la date du début des Jeux Olympiques. So what is it, la date du début? So, le 8 août 2008. So we have a date here. Now there's two things about dates in French. The first one, to say August 8th, you say 8 August. Yep. 8 août. That's right. 8 août. Now, another thing in French is you have to put an article when you're talking about dates. You have to say the 8 August. Le 8 août. Okay. 2008. So, donc, now let's spell it out. That means donc what? Le huitième jour. The 8th is huitième, right? We had an IM at the end. Oui. So, le huitième jour of which month? Du huitième mois. Of which year? De l'année 2008. All right, so we had a lot of numbers there with dates. The best way for you to really grasp and learn it is let's do a few more dates. Do you know the date of the Bastille Day? It was le 14 juillet 1789. Correct. So, can you say that in more detail? Donc, c'est le 14e jour okay. du 7e mois de l'année 1789. All right. Amory, was that around when you were born? Nearby, yeah. No, really. When were you born? So, I was born on the 7 avril 1976. Donc, le septième jour. Okay. Of which month? Du quatrième mois de l'année 1976. Okay. And so in America, what's the date of your birthday? I was born le 12 mai 1900. Sorry. I think there's something missing there. Come on. I think you just weren't paying attention. I only say it once. If you didn't hear it, let's move on. So he's still reading on. He's like, oh no, that's not all. He wants to share some more of what he read in the newspaper. He says, et tu sais à quelle heure ils vont commencer? So they're still talking about les Jeux Olympiques. She's like, yeah, there's probably going to be, you know, a week here. Je parie que c'est à 8 heures. So, à quelle heure does les Jeux Olympiques commence? À 8 heures. But before that, she says... Je parie que... Parier is how to say to bet. Yeah. You know, like gambling, betting. That's it. Parier, but it's also used in the way we say kind of in English too. Hey, yeah, I bet. Ah, je suis fatigué encore aujourd'hui, Erika. You're tired again, Amory. Mm-hmm. Je parie que you went out again last night, didn't you? Yeah. Okay. So you can say it like that too. So then he explains to her why at least number 8. Mm-hmm. So, le chiffre 8 est un chiffre porte-bonheur en Chine. The word chiffre means like a number, a figure, a digit. So, le chiffre 8 est what? Un chiffre porte-bonheur. Porte-bonheur literally means to bring happiness, right? Exactly, yeah. Or fortune, to bring fortune. So, un chiffre porte-bonheur. And where? En Chine. La Chine. It's feminine, yeah. So, when we have feminine countries, to say in, we use the word en. En. So, en Chine. Or what are some other feminine countries? En France. En Espagne. En Angleterre. En Italie. En Chine. Mm-hmm. And there's no article. Yeah. Okay, so she's like, what did she say? Now, after all these AIDS, yeah. Les Chinois sont très superstitieux. Okay. Les Chinois sont what? Très what? Superstitieux. Superstitieux. So let's listen to the dialogue 3 more times. 3? 3. Are you sure that's en chiffre porte-bonheur? Well, yeah. Don't be superstitieuse. Okay. Dialogue. Première écoute. Tu as remarqué la date du début des Jeux Olympiques? Oui, le 8 août 2008, donc le 8e jour du 8e mois de l'année 2008. Et tu sais à quelle heure ils vont commencer? Je parie que c'est à 8 heures. Eh oui, le chiffre 8 est un chiffre porte-bonheur en Chine. Les Chinois sont très superstitieux. Dialogue, deuxième écoute. Tu as remarqué la date du début des Jeux Olympiques? Oui, le 8 août 2008, donc le 8e jour du 8e mois de l'année 2008. Et tu sais à quelle heure ils vont commencer? Je parie que c'est à 8 heures. Eh oui, le chiffre 8 est un chiffre porte-bonheur en Chine. Les Chinois sont très superstitieux. Dialogue, troisième écoute. Tu as remarqué la date du début des Jeux Olympiques? Oui, le 8 août 2008, donc le 8e jour... du 8e mois de l'année 2008. Et tu sais à quelle heure ils vont commencer? Je parie que c'est à 8 heures. Eh oui, le chiffre 8 est un chiffre porte-bonheur en Chine. Les Chinois sont très superstitieux. Okay, so we're back. Now, are French people superstitious, Henri? No, we're not the most superstitious. You're not really superstitious at all, hardly. No, not much. One no. of the less, I would say. But we've still got a couple of things. In fact, most of the things that French people are superstitious are the same as Anglophones, right? Yeah. Mm-hmm. And that was interesting to find out that basically all Western people are kind of superstitious of the same things. Yeah. Black cats and... Friday the 13th. Number 13. Mm-hmm. Chiffre. 13. 13. Going under a ladder. Right. So they're mostly the same. Any superstitions? And you, Henri? Tu es superstitieux? Non. Not at all? I've got un chiffre porte-bonheur. What is your chiffre porte-bonheur? Le 7. Just like you were born on le 7e jour. Yeah. 4e mois. Right? So I wonder if that's why. Yeah, I'm not complicated. Yeah. And by the way, yours, have you got one? Yes. Mon chiffre porte-bonheur is le 12. Sounds like I heard that somewhere as well. Yeah. We're so predictable, Anne-Marie. Okay. Well, why don't we do a little review? Sure. What is the word for to notice? Remarquer. And how do I say the Olympics? Les Jeux Olympiques. And we learned when you talk about dates that you have to have an article and you put the number before the month. So like le 8 août. Or le 25 octobre. Okay. So what if I wanted to be more specific about that number you just said? So it would be le 25e jour du 10e mois. Well, if you have any questions about this lesson, come to frenchpod.com, you can ask us. Uh-huh. So, merci. À bientôt. Au revoir.